Les Arabes, y'en a des biens. Mais pour la plupart, c'est des crétins. Ils s'excitent tout seuls comme des trous de balles. Ça doit être un peu congénital. Il est entre cousins. Tu dois le savoir, c'est pas très sain. Au moins avec les chameaux, tu risques pas de choper petit haricot. Je devrais faire le ramadan jusqu'à la fin de tes jours, bougnoul insolent. Petit enculé de boucan pourri, plutôt de me canne de bougnoul de fer. Ta prière est dirigée vers l'est, mais toi t'es complètement à l'ouest. Le cul a l'air comme un coco. Au moins tu sers de boussole. Oh là là, il y a beaucoup de bico dans ce pays. Ça sent la rissa dans ton cul depuis que tu te fais bourrer l'anus par ta maman. Trou de balle d'enculé, de melon, de macaque, de bougnoule de merde. Les Arabes, c'est des voleurs.